إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc nous rentrons dans un chapitre à la suite du chapitre des ablutions, qui est un chapitre concernant l'essuyage sur Al-Khufayni. Al-Khufayni va définir qu'est-ce que Khufayni, Inch'Allah, Tabarak wa Ta'ala, et par extension, l'essuyage sur les chaussettes et tout ce qui couvre le pied. Donc, Cheikh Abdul Rahman ibn Sa'di dit, et s'il a sur lui deux khuf, c'est-à-dire deux chaussons en cuir, ou une chose de la sorte, alors, s'il le souhaite, il fera l'essuyage sur ses deux chaussons à la place du lavage des pieds pendant un jour et une nuit s'il est résident et trois jours et trois nuits s'il est voyageur, à la condition qu'il les ait enfilés en état de pureté rituelle. Et il n'a le droit d'essuyer sur ses deux chaussons que pour lever l'état d'impureté rituelle mineure. D'après Anas, qui a dit, lorsque l'un d'entre vous fait ses ablutions et qu'il chausse ses deux chaussons en cuir, qu'il essuie sur ses deux chaussons et qu'il prie avec ses deux chaussons. Et qu'il ne les enlève pas s'il le veut, sauf s'il a été touché par l'état d'impureté rituelle majeure, Al-Janaba. Voilà ce que dit l'auteur du livre. Alors ici, pour bien comprendre ce sujet, c'est un sujet où il y a beaucoup de divergences et il y a beaucoup d'avis, il y a beaucoup de choses à voir. Et il convient de l'étudier sous cette problématique. La première, quel est son statut juridique ? Un. Deuxième problématique, quel est l'endroit ou la partie du pied qui doit être essuyée, ou la partie de chausson qui doit être essuyée ? Quel type de chausson doit-on essuyer ? Ou quel type de chausson il est permis d'essuyer ? 4. Comment est ce chausson ou cette chaussette ? Est-ce qu'elle doit être dans une caractéristique précise ou alors elle peut avoir plusieurs formes ? 5. Pendant combien de temps il m'est permis d'essuyer ? C'est la 5e problématique. 6. Quelles sont les conditions de l'essuyage ? Et enfin, 7. Quelles sont les annulatives de cet essuyage ? Alors, Cheikh Zayed Madkhali, Hafidallah, Tabaraka wa Ta'ala, dit dans l'explication de Subul al-Sawiyya de l'imam Hafid al-Hakami, il dit, l'essuyage sur les chaussons a été confirmé et établi par la sunna dans de nombreux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de telle sorte qu'un nombre considérable de savants et de narrateurs intègres et fiables dans la transmission ont rapporté sur ce sujet et leur nombre dépasse les 80. 80 rapporteurs ont rapporté que le prophète a essuyé sur ce qui couvrait ses pieds, sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ceux-là, parmi ces 80 rapporteurs, les 10 qui ont été cités nominalement par le prophète comme faisant partie des gens du paradis. Parmi ces ahadiths, donc il va en citer quelques-uns. Bien sûr, on ne va pas citer tous les ahadiths qui traitent de ce sujet-là. D'ailleurs, l'imam Ahmed a dit qu'il y a 40 hadiths qui traitent de ce sujet-là. 40 hadiths. C'est considérable. Cheikh Zayed dit, nous avons cité certains de ces hadiths et ceux qui sont les plus probants et les plus forts pour prouver que ceci est légiféré. Premièrement, nous avons ce qu'a rapporté l'imam al-Bukhari ou muslim d'après le hadith de Jarir, qui a uriné, puis a fait ses ablutions, puis a essuyé sur ses khoufs. Khouf, c'est tout ce que la personne porte en cuir et qui vient couvrir ses pieds. Soit il le porte à même la peau, soit il le porte sur des chaussettes. On appelle ça khouf. Khouf, il est forcément en cuir. Tout ce qui n'est pas en cuir s'appelle autrement. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essuyé sur ses khoufs. Alors, quelqu'un lui a rétorqué, lui a dit, tu fais ceci? Il a dit, oui, j'ai vu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam uriner, faire ses ablutions et essuyer sur ses khoufs. Alors, Ibrahim al-Nakhai a dit, ils ont été étonnés de l'acte de Jarir, car l'islam, la conversion de Jarir est tardive. Peu de temps avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam et après que le verset de Surat al-Maïdaf eût été révélé. C'est-à-dire que certains compagnons croyaient que le verset de Surat al-Maïda, qui est aussi tardif dans la révélation, était venu abroger l'essuyage sur les chaussettes ou les khoufeils. Donc ils se sont étonnés de l'acte de Jarir. Comment peux-tu faire cet acte-là alors que le verset a été révélé? Et lui, il a dit, j'ai vu l'envoyé d'Allah. Tout ça pour nous dire que le verset n'est pas venu abroger l'essuyage sur les chaussettes. Mais bien au contraire, il est venu le confirmer. Car nous avons deux lectures dans le verset coranique. Comme Allah le dit, tabaraka wa ta'ala, et essuyez vos têtes et vos pieds jusqu'aux chevilles. Et dans l'autre lecture, essuyez vos têtes et lavez vos pieds jusqu'à vos chevilles. Non, la différence entre les deux versets, c'est une haraka seulement. C'est la kasra. Ça, c'est rapporté par l'imam al-Bukhari. On a aussi le hadith de Al-Mughira ibn Shu'ba qui a dit, j'étais en voyage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque je me suis baissé, lorsque le prophète a été faire ses besoins, il est revenu, il a commencé à faire ses ablutions et Al-Mughira ibn Shu'ba dit, je me suis baissé pour lui enlever ses khoufs. Et le prophète a dit, laisse-les car je les ai enfilés en état de pureté rituelle. Famasaha alayhima, et il a fait l'essuyage dessus sallallahu alayhi wa sallam. C'est une preuve claire et nette de la légitimité de le faire. Qu'est-ce que répondront Al-Rawafid ou Al-Khawarij sur ce genre de hadiths qui sont clairs et nets de sens et rapportés par pas moins de 80 compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Donc, nous avons ceci. Nous avons beaucoup d'autres hadiths, mais Cheikh Zayd s'en est tenu à ces deux-là, car ils sont très probants et très clairs de sens. Il dit, Cheikh Zayd, rahmatullahi tabaraka wa ta'ala, il dit, il y a dans ces textes clairs et authentiques une preuve de la légitimité d'essuyer sur les deux khoufeil. Et il y a un consensus de ceux chez qui on considère le consensus, c'est-à-dire les gens de la sunna, il y a un consensus des gens de science sur la légitimité et la permissivité de le faire, qu'on soit en voyage ou résident, que ça soit pour l'homme ou la femme, que la personne soit dans une situation de nécessité ou non. Car c'est une facilité d'Allah, tabaraka wa ta'ala, par l'intermédiaire de la parole de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il convient à tout musulman d'accepter les facilités d'Allah. Non. Car celles-ci sont une miséricorde et une grâce de sa part. En prenant les facilités d'Allah, ceci occasionnera ton amour envers Allah et la reconnaissance et la gratitude vis-à-vis de ses bienfaits. Fin de citation. Rahmatullahi tabaraka wa ta'ala alayhi. Ça, c'est une réponse pour tous ceux qui croient que le fait de faire l'essuyage sur les chaussettes est un manquement dans la religion. Est une déficience et un laisser-aller ou un laxisme dans la religion. Ce n'est pas du tout ça. Au contraire, le faire, c'est suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ne pas le faire, pensant que c'est une preuve de négligence, ceci, c'est rendre difficile la religion. Et le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, وَيْلٌ لِلْمُتَنَطِّعِينَ وَيْلٌ لِلْمُتَنَطِّعِينَ وَيْلٌ لِلْمُتَنَطِّعِينَ. Trois fois il l'a dit. Ça sera rapporté par Muslim. Malheur à ceux qui rendent difficile la religion. Malheur à ceux qui rendent difficile la religion. Malheur à ceux qui rendent difficile la religion. C'est une leçon pour nous, barakallahu fikoum. Lorsqu'Allah vient avec une facilité, c'est d'accepter cette facilité et de la mettre en pratique. Naam. Et ceci est la religion. Nous avions évoqué déjà ceci, et nous avions dit que la religion a été qualifiée de hanifiyatun samha. Hanifiya, c'est-à-dire, elle est sur la rectitude, sur le tawhid droite, écartée de tout polythéisme et de toute déviance. Et elle est samha. Samha, ça veut dire sahla, facile, loin de la religion des juifs. Religion, par elle, Allah a mis des carcans et des chaînes à leur cou, à cause des transgressions commises vis-à-vis de leur prophète. Allah leur a rendu difficile la religion. Mais la religion par laquelle, la législation par laquelle est venu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, elle est simple. Toutes ces facilités, nous devons les accepter, les mettre en pratique. Barakallahu fikoum. Parmi ces facilités, l'essuyage sur les chaussettes, ou les chaussures, ou al-khufayn, les chaussons. Sur la base de ceci, il y a trois avis concernant le statut juridique de l'essuyage sur les chaussons ou les chaussettes. Premièrement, il y a la légitimité de le faire, dans l'absolu. Et ça, c'est le consensus des savants. Al-Mashru'iyya. Le consensus des savants, comme l'a déclaré Ibn al-Mundhir dans son livre Al-Ijma, il a dit: ils ont été unanimes, c'est-à-dire les gens de science, à dire que celui qui a complété sa purification, c'est-à-dire qui a fait les ablutions correctement en lavant ses pieds, puis qui a enfilé les deux chaussons, puis qui a perdu ses ablutions, qui lui est permis de d'essuyer sur ses chaussons. Voilà comment l'a rapporté Ibn al-Mundhir dans son livre Kitab al-Ijma. Très très rare. La preuve de ceci, c'est le verset coranique, sourate numéro 5, verset numéro 6. Aussi, l'imam Ahmed a dit, il n'y a pas moins de 40 hadiths qui nous prouvent la légitimité et qui se rapportent à l'essuyage sur les chaussons. Abdullah ibn Mubarak a dit: je ne connais pas de divergence chez les compagnons au sujet de l'essuyage sur les chaussons. Ibn Mubarak, il a vécu à l'époque de Atba' al-Tabi'in, à l'époque de l'imam Malik. Il est né en 118, il est mort en 181. Il est mort 2 ans après l'imam Malik. Donc, il fait partie des 3 premiers siècles. Il a dit: je ne connais aucune divergence chez les compagnons concernant le fait et la légitimité d'essuyer sur les chaussons. Plus tous les hadiths qui ont été cités à ce sujet, il ne fait aucun doute que ceci est légiféré. Il y a un deuxième avis, et je vous le cite, et ceci c'est pour votre culture générale, barakallahu fikoum. Il a été rapporté de l'imam Malik, et je dis bien il a été rapporté, ce qu'on appelle siratut tamrid, c'est-à-dire qu'on n'est pas sûr qu'il l'ait dit. Donc on dit, sur une forme impersonnelle, il a été rapporté que, il a dit que l'essuyage n'est valide que pour le voyageur. Pour le résident, il n'a pas le droit d'essuyer sur ses chaussons. Or, Ibn Abdelbar, qui est un grand imam, a dit: mais ce qui est authentique de l'imam Malik, c'est qu'il voit que c'est permis dans tous les cas. Que tu sois résident ou que tu sois voyageur. Et c'est ça qui a été authentifié de l'imam Malik au final. Donc, ne vous étonnez pas si un jour vous voyez dans un livre ou vous entendez que l'imam Malik, ou que quelqu'un vous dit que l'imam Malik ne voit pas qu'il faut essuyer pour le résident, vous saurez que Ibn Abdelbar, ou Kazalika Ibn Nafir al-Mafsouta aussi, ont rectifié cette parole et ont dit qu'au final, l'imam Malik, il voit que c'est permis dans tous les cas. Donc il rejoint le premier avis, l'avis de l'ensemble des savants. Voilà pourquoi Ibn Mundhir dit que c'est Ijmar. Et il y a le troisième avis, c'est interdit dans l'absolu. Il est interdit d'essuyer sur ses chaussettes, ou sur ses chaussures, ou sur ses chaussons. Ça, c'est l'avis des chiites. Notamment, la secte des 12 imams. Aussi le Khawarij. Et enfin, Daoud al-Zahiri, qui voit aussi qu'il est interdit d'essuyer sur ses chaussons. Et ceci est un avis à rejeter, bien sûr. La question qui se pose ici, qu'est-ce qu'il y a de préférable ? Laver ses pieds ou alors essuyer sur ses chaussons ou ses chaussettes. Les savants se sont posé la question et se sont penchés sur ce sujet. La majorité des savants, quand on dit la majorité des savants, ce n'est pas le consensus des savants. La majorité, c'est la grande partie des savants voient qu'il est préférable de laver ses pieds. Pour la simple et bonne raison que c'est ce qui est reconnu comme étant la norme dans les actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans la plupart du temps, le prophète lavait ses pieds. Ibn Omar, notamment, voit cet avis-là. Il y a Omar ibn Khattab aussi. Donc, ils disent, là-bas, c'est ça. La facilité, c'est l'essuyage sur les chaussettes. Donc, on reste sur la base. Et la base, c'est le lavage des pieds. Sur cette base-là, ils voient qu'il est préférable de laver les pieds à l'essuyage. Al-Hanabila, c'est-à-dire les savants de l'école de l'imam Ahmed, voient le contraire. Ils disent qu'il est préférable d'essuyer plutôt que de laver les pieds. Non. Pour quelles raisons ? Pour plusieurs raisons. Ils disent premièrement, car l'essuyage, c'est une facilité d'Allah. Et on a un hadith authentique du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, où le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Allah aime que le serviteur mettre en pratique les facilités qu'Allah lui a données. Sur la base de ceci, ils disent qu'il est préférable d'essuyer sur les chaussettes ou sur les chaussons. Ibn al-Mundhir, qui n'est pas, il ne fait pas partie de l'école des Hanabila, mais il a cette parole magnifique que j'ai voulu vous citer et vous rapporter. Il dit, écoutez bien, l'essuyage sur les chaussettes est meilleur et préférable. Ceci afin de s'opposer et de se différencier de toute personne parmi les gens de l'innovation qui viennent intenter et critiquer l'essuyage sur les chaussettes comme les Khawarij ou Rawafid. Il dit pour se différencier d'eux, il est préférable d'essuyer sur ses chaussettes. Non, pour se différencier de ces gens-là, qui ne voit pas du tout la légitimité de le faire. Il dit aussi, refaire vivre une sunna qui a été contredite par les égarés et les innovateurs est préférable que de la délaisser. Ah, c'est une parole magnifique. Là, regardez comment les savants, même dans des problématiques de jurisprudence, ils font le lien avec quoi ? Avec la aqidah. Avec le dos. Et c'est pour cette raison que les savants ont intégré dans leur livre de Aqida des problématiques de jurisprudence. Notamment celui-là. Comment expliquer ceci ? Quel est le rapport entre l'essuyage sur les chaussettes et la croyance, le dogme, la Aqida ? Mettre en valeur que les gens de la Sunna se différencient des Khawarij et des Rawafid par ce biais-là. Et par ce principe-là. C'est ce que dit ici Ibn Mundhir. Il y a un troisième avis chez les savants, c'est l'avis de Cheikh Oussama Ibn Taymiyyah et d'Ibn Qayyim, son élève. Ils disent, tout dépend de la situation dans laquelle se trouvent tes pieds au moment où tu vas faire tes ablutions. Si au moment où tu vas faire tes ablutions, tes pieds sont couverts par le khuffayn, ou par des chaussettes, ou par des chaussures, alors ce qui est préférable, c'est de faire des essuyages. Si tes pieds sont à découvert, alors ce qui est préférable, c'est de les laver. Et ça, c'est ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, pour vous expliquer autrement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il voulait faire l'essuyage, il ne mettait pas des chaussettes, il essuyait. Le prophète faisait l'essuyage parce qu'il portait déjà des chaussettes, soit parce qu'il était en voyage, soit parce qu'il était, il avait des ni'al, c'est-à-dire des sandales qui lui prenaient toute la cheville, et il avait du mal à les enlever. Donc, par facilité, il faisait l'essuyage. Il prenait cette facilité d'Allah, car la situation l'imposait, ou le nécessitait. Et lorsque ses pieds étaient à découvert, il n'allait pas s'embarrasser à mettre des ni'al, à mettre des sandales, ou mettre des chaussures, ou mettre des chaussettes. Il lavait ses pieds. Et c'est le sens des propos de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et d'Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, et c'est le qawl sahih. Et c'est ça la parole authentique. Naam. Et c'est pour cette raison, mes frères, barakallahu fikoum, qu'il ne faut pas rendre difficile la religion. Naam. Celui qui est sur le point de faire ses ablutions et qui a ses pieds à découvert, il ne va pas se casser la tête à mettre des chaussettes. Il lave ses pieds. C'est beaucoup plus simple. Et celui qui a des chaussettes, alors il prend la facilité d'Allah, il ne va pas se casser la tête à enlever ses chaussettes. Sauf si, bien sûr, il a dépassé la durée, comme on va le voir tout à l'heure, Inch'Allah. Il lave, ou il essuie directement, plutôt, sur ses pieds, sur ses chaussettes. Voilà qu'on en fait quoi. Deuxième problématique. Où est-ce qu'on essuie? Est-ce qu'on essuie au-dessus? Est-ce qu'on essuie en dessous? Est-ce qu'on essuie au-dessus et en dessous? Est-ce qu'on essuie le talon? Les savants se sont penchés aussi sur cette problématique et ils ont divergé en trois avis. Le premier avis, c'est l'avis de l'imam Malik et l'imam Shafi'i. Ils disent qu'il est obligatoire d'essuyer dessus et il est recommandé d'essuyer en dessous. D'ailleurs, l'imam Shafi'i, comment il essuyait? Il prenait la main droite au-dessus du pied. Et il prenait la main gauche en dessous du pied et il remontait vers le haut de la cheville, comme ça. Voilà comment l'imam Shafi'i faisait l'essuyage. Lui, il voit que dessus c'est obligatoire et il voit qu'en dessous c'est recommandé, comme l'imam Malik. Ça, c'est un premier avis. Deuxième avis, il est obligatoire d'essuyer en dessous et au-dessus. Vous avez vu la différence entre cet avis-là et celui d'avant? Ibn Nafi' ici, il dit qu'il est obligatoire d'essuyer au-dessus et en dessous. Le premier avis, l'avis de l'imam Malik et l'imam Shafi'i, il est obligatoire au-dessus, mais recommandé seulement en dessous. Ça, c'est le deuxième avis, Ibn Nafi'. Troisième avis, il est obligatoire d'essuyer au-dessus, il est détestable d'essuyer en dessous. Et ça, c'est l'avis qui est authentique et valide et juste. Et c'est la majorité des savants qui voient ceci. La preuve de ceci. L'imam Abu Dawud rapporte dans son Sunan, par une chaîne de transmission authentique, cette chaîne de transmission a été validée et authentifiée par Cheikh Al-Albani, rahmatullahi wa tabarak wa ta'ala. Ali ibn Abi Talib, qui fait partie des quatre califs bien guidés, n'est-ce pas? Donc, il y a une sunna qu'on doit suivre. Comme a dit le prophète, sallallahu alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa al-mahdiyyin min ba'di. Et attachez-vous à ma sunna, à la sunna de mes califs bien guidés. Parmi eux, Ali ibn Abi Talib. Donc, lorsque un des quatre califs rapporte une sunna, il faut y regarder à deux fois. Ali a dit, si la religion était basée sur les avis personnels, j'aurais essuyé en dessous du chausson plutôt qu'au-dessus. Mais j'ai vu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam essuyer au-dessus de ses chaussons. Non, je répète, il a dit, si la religion était basée sur les avis personnels, alors alors essuyer en dessous du chausson serait plus à même de l'essuyer au-dessus. Mais j'ai vu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam essuyer au-dessus. Donc ici, il dit quoi? Il dit que, selon son avis, Ali ibn Abi Talib, si je devais prendre mon avis sur cette chose-là, j'aurais essuyé en dessous. Car c'est plus à même d'enlever les impuretés. Là. Mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Car il a vu le prophète essuyer au-dessus. Et d'ailleurs, même par la raison, ceci est plus logique. Car l'essuyage sur les chaussettes, barakallahu fikoum, n'est pas venu pour purifier le chausson ou la chaussette, ou la nettoyer. Mais cette chose-là est venue pour faciliter. C'est deux choses différentes. L'âme. D'ailleurs, si quelqu'un venait essuyer une impureté en dessous du chausson, au final, quel serait le résultat? Il aurait étendu cette impureté tout en dessous du chausson. Ça n'aurait fait qu'empirer les choses. L'âme. Donc tout ça pour vous dire, comme c'est ce que disent les savants, c'est que l'essuyage se fait uniquement au-dessus du chausson et pas en dessous. Là, ça c'était le deuxième principe. La troisième problématique à étudier dans ce chapitre-là, c'est quel type de chausson il est permis d'essuyer. Est-ce qu'on s'en restreint, est-ce qu'on se restreint à essuyer que le khuffayni, ou alors il est permis d'essuyer sur les chaussures, ou sur des chaussettes, ou tout ce qui couvre les pieds? Non. Il y a une divergence sur ce sujet-là, et je ne vous le cache pas, mais on va venir, Inch'Allah, avec le qawlu, al-qawlu sahir, l'avis le plus authentique, Inch'Allah. Il y a, à la base, les savants sont unanimes pour dire que l'essuyage sur le khufayni, c'est-à-dire les chaussons en cuir, c'est permis. Et il y a ijmar dessus. Là, sur le khufayni, personne ne diverge. Il diverge sur quoi? Sur ce qui n'est pas le khufayni, sur ce qui n'est pas des chaussons en cuir, c'est-à-dire les chaussettes, les chaussures ou autres. Alors, il y a trois avis. Le premier avis, c'est l'avis de l'imam Malik, l'imam Shafi'i et l'ancien avis d'Abi Hanifa, qui disent qu'il est permis d'essuyer sur n'importe quoi d'autre que le khufayni, à condition qu'il y ait une semelle en dessous. Il faut qu'il y ait une semelle, il faut que ça soit semellé. Une chaussette sans semelle, eux ils disent qu'il n'est pas permis de le faire, de faire l'essuyage dessus. Non. C'est un avis. Sur quoi il se base, Allahu a'lam. Il n'y a pas de dalil sur ça. Deuxième avis, c'est l'avis de l'imam Hassan al-Basri, Ibn al-Musayyib. Ibn al-Musayyib, je vous rappelle que c'est le plus grand des tabi'ines, le plus savant. Il fait partie de la première génération des tabi'ines. Tabaqatul Ula. L'imam Ahmed, certains Shafi'iyya, certains Hanabila, et à notre époque, Cheikh Ibn Baz. Ils disent, il est permis de faire l'essuyage sur autre que le khufayni, comme les chaussettes par exemple, à condition qu'elles soient épaisses. Non, et qu'elles soient opaques. Opaques et épaisses. C'est-à-dire qu'elles prennent le même statut que le khuf. Si ces chaussettes-là sont transparentes, alors il n'est pas permis. Vous avez compris? Ça, c'est un deuxième avis. Le troisième avis, c'est qu'il est permis d'essuyer sur autre que les chaussons, le khufayni, dans l'absolu. Non. Que ces chaussettes soient opaques ou non. Qu'elles soient faites de coton, de laine, de lin, de n'importe quoi. Tant que ça s'appelle chaussette, c'est permis. Ça c'est l'avis de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, de Ibn Hazm, de Cheikh al-Athaymin à notre époque, de Amin al-Shafiti et de Cheikh al-Albani et d'autres grands savants, et c'est le Qawlu al-Sahih. Pour quelle raison? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été prouvé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a essuyé sur des khufayni, mais il a aussi essuyé sur des chaussettes. sallallahu alayhi wa sallam. Et il a aussi essuyé, il a ordonné d'essuyer sur At-Tasakhin. At-Tasakhin, c'est toute chose qui vient chauffer les pieds. Donc c'est général. Naam, At-Tasakhin. Toute chose qui vient chauffer les pieds. Donc le prophète a permis ceci. Donc les savants, ces savants-là, ceux qui voient cet avis-là, ils disent la permissivité, elle est générale. Et pour la restreindre à quelque chose de précis, il va falloir ramener une preuve. Or, il n'y a pas de preuve. Et ce qu'ont ramené les savants avant, ce ne sont que des interprétations personnelles au regard de ce qu'ils ont compris des textes. Donc ils disent, à défaut de preuves qui viennent restreindre l'essuyage sur des catégories en particulier, on reste dans la généralité, donc il est permis d'essuyer sur tout type de tissu. Tant que ça s'appelle, ou tant que ça couvre le pied et que ça sert de couf. Non, mais quoi? Alhamdulillah. La quatrième problématique, c'est la chose qui va être essuyée. Est-ce qu'elle doit avoir des caractéristiques précises? Notamment si on a des trous dans les chaussettes, ou des trous dans les chaussures, ou la semelle qui part dans tous les sens, ou elle est déchirée en travers. Les savants se sont penchés sur ce problème. Est-ce que quand le chausson ou la chaussette est déchirée ou a des trous, est-ce qu'il est permis d'essuyer quand même dessus? La chose sur laquelle déjà ils sont unanimes, c'est de dire que lorsque la chaussette ou le chauf est sain, salim, c'est-à-dire il est dénué de toute déchirure, il n'a pas de trou, il est propre, il est comme s'il était neuf. Ils sont tous unanimes pour dire qu'on a la permission d'essuyer dessus, sans aucun problème. Le problème, il est si le chouf il est déchiré, s'il y a un trou, s'il est déchiré en dessous, s'il est déchiré au-dessus, s'il est en train de pendre. Il y a l'avis de l'imam Malik ou al-Malikiya qui disent que il est permis d'essuyer sur le chouf qui est déchiré ou sur celui sur lequel il y a un trou, à condition que ce trou soit petit. Il faut qu'il soit petit. S'il est petit, il n'est pas préjudiciable. On peut essuyer dessus. Ça, c'est l'avis de l'imam Malik ou al-Malikiya. Il y a un deuxième avis, c'est que si le trou se trouve au début, au niveau des doigts de pied, alors ce n'est pas permis d'essuyer. Si le trou se trouve ailleurs, alors c'est permis. Pourquoi cette différence? Allahu a'lam. Un troisième avis, c'est l'avis de l'Hanabila. Ils n'ont pas le même avis que l'imam Ahmed. L'Hanabila, ils disent, dès qu'il y a un trou, quel qu'il soit, il est interdit d'essuyer dessus. Pourquoi? Car ils disent que le chouf, le chausson, comme il vient se substituer au lavage du pied, il doit couvrir tout le pied. Donc s'il ne couvre pas tout le pied, alors on est face à quoi? On est face à un essuyage pour ce qui couvre le pied et ce qui est à découvert, c'est un lavage. Donc on a un essuyage, un lavage à faire et ça c'est impossible. Donc au final, ils disent on n'essuie pas, on lave. On enlève les chaussettes et on lave. Il y a un quatrième avis. C'est l'avis de nombreux savants comme l'imam Thawri, comme l'imam Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyyah, et à notre époque, Cheikh Al-Athaymin, Cheikh Al-Albani, Cheikh Amin Shankiti, et d'autres, Cheikh Al-Najmi, Kadarik aussi, ils voient ceci. Ils disent qu'il est permis d'essuyer sur une chaussette ou une chaussure, même si elle est trouvée, tant qu'elle porte le nom de chaussette ou chaussure. Même s'il y a un gros trou dessus, tant que ça porte le nom de chaussette et que c'est utilisé pour chauffer le pied ou pour marcher ou pour se protéger, alors dans ce cas-là, on peut essuyer dessus. Même si le trou est gros. Et d'ailleurs, l'imam Thawri a une phrase magnifique par rapport à ceci. Il dit, lorsqu'il a dit à son compagnon, il a dit, essuie sur tes chaussettes tant qu'elles tiennent à ton pied, tant qu'elles sont accrochées à ton pied. Les chaussures et les chaussettes des Muhajirin et l'Ansar n'étaient-elles pas déchirées, usées et raccommodées dans tous les sens? La plupart des compagnons mettaient des bandages autour des pieds, soit pour se protéger, ce qu'on appelle al-nafa'if, des bandages autour des pieds, soit ils mettaient des chaussettes déchirées, ce qu'ils trouvaient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les a jamais repris en leur disant vos chaussettes sont trouées, vous n'avez pas le droit de faire l'essuyage dessus. Et ça, c'était la norme chez les sahabes. On n'avait pas des chaussettes comme ça, là, toutes neuves. Et ça, c'est le qawl sahih. Et Cheikh l'Islam dit, tant que ça s'appelle chaussette et qu'on peut marcher avec, alors il est permis d'essuyer dessus. Il y a plein de paroles dessus. D'ailleurs, d'autres, des grands savants ont dit que restreindre la facilité d'Allah dans ce sujet-là, ce n'est pas permis. C'est-à-dire qu'Allah a facilité l'essuyage sur les chaussettes. Le fait de mettre des barrières et des contraintes à ceci, ça vient au final annihiler la facilité qu'Allah a fait dans l'essuyage des chaussettes. Non. Si la chaussette doit être neuve, sans trou, impeccable, alors allez où la facilité dans ça? Non. On est en train de réduire la facilité qu'Allah nous a donnée, tabaraka wa ta'ala. Cinquième problématique, très importante, c'est le temps dans lequel il est permis d'essuyer. Non. Pendant combien de temps il est permis d'essuyer? Alors, il y a deux avis à ce sujet. Il y a ce qu'a dit l'imam Malik, rahmatullah tabaraka wa ta'ala alayhi, il dit que il n'y a pas un temps défini. C'est-à-dire que la personne, elle peut essuyer comme ça plusieurs jours. Non. Comme bon lui semble. Et il se base sur un hadith de Ibn Abi Imara, lorsque le prophète aurait dit à cet homme-là, ce compagnon, imsah ma badalaka, c'est-à-dire essuie comme bon te semble. Essuie comme bon te semble. C'est-à-dire sans délimiter, sans limiter un temps. Ce hadith-là, il est faible. On ne peut pas s'en servir comme preuve. L'imam Malik s'en est servi comme preuve. Il a bâti son avis sur ça. Rahmatullahi tabaraka wa ta'ala alayhi. Mais il est clair et net que s'il savait que ce hadith était faible, il ne l'aurait pas suivi. Non. Car on connaît l'imam Malik, son attachement scrupuleux au hadith authentique. Donc c'est un avis qui a rejeté. Le deuxième avis, et c'est ce qui est authentique, c'est que le prophète a délimité. Un jour et une nuit pour le résident, trois jours et trois nuits pour le voyageur. C'est-à-dire 24 heures pour le résident et 72 heures pour le voyageur. Le dalil sur ceci, c'est ce qu'a rapporté l'imam Muslim d'après le hadith de Ali ibn Abi Talib, qui a dit, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a délimité trois jours et trois nuits pour le voyageur et un jour et une nuit pour le résident. C'est-à-dire, il a délimité le temps dont il nous est permis d'essuyer. De même, Safwan ibn Assal a dit, nous étions en voyage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il nous a ordonné de ne pas enlever nos chaussons pendant trois jours et trois nuits, sauf celui qui tomberait en état de janaba, de pureté, d'impureté rituelle majeure. Mais malgré ceci, il nous a permis de le faire, c'est-à-dire d'essuyer en sortant du sommeil, en sortant des selles, c'est-à-dire de l'urine et des selles. Non. Donc on voit bien que il y a une limitation. Le prophète a délimité sallallahu alayhi wa sallam le temps qu'il nous est imparti pour pouvoir essuyer sur les chaussettes. Maintenant la question qui se pose, quand est-ce que, comment, à partir de quand on compte? Est-ce qu'on compte à partir du moment où on met les chaussettes? Est-ce qu'on compte à partir du moment où on a perdu ses ablutions après avoir mis les chaussettes? Est-ce qu'on compte à partir du moment où on fait le premier essuyage après avoir perdu les ablutions? Ou alors on compte une journée complète, cinq prières? Tout ça, ce sont les avis chez les savants. Ceux qui disent cinq prières, tu as le droit de faire cinq prières avec l'essuyage. Au-delà de cinq prières, il t'est obligatoire d'enlever les chaussettes et de refaire les ablutions en te lavant les pieds. C'est l'avis de l'imam Shabi ou Ishaq ou Abu Thawr. C'est un avis qui a rejeté, car il vient contredire les hadiths que je vous ai cités, le hadith de Ali et le hadith de Safwan ibn Assal. Non. Deuxième avis, c'est l'avis de l'imam Hassan al-Basri, et c'est le seul qui dit ça. Il dit, on commence à compter à partir du moment où on met les chaussettes, après avoir lavé les pieds. Imaginez-vous qu'une personne, de bon matin, avant le fajr, elle fait ses ablutions complètement en lavant ses pieds. à partir de ce moment-là, elle met ses chaussettes. Donc, pour l'imam Hassan al-Basri, rahmatullahi tabaraka wa ta'alihi, il aura le droit de faire l'essuyage à partir de ce moment-là jusqu'au fajr du jour d'après. Au même instant, 24 heures. Là, c'est un avis dans lequel il se singularise. Rahmatullahi tabaraka wa ta'alihi. Il y a un troisième avis qui disent à partir du moment où tu as annulé tes ablutions après avoir fait les enfilé tes chaussettes. Par exemple, dans notre exemple, une personne qui fait ses ablutions complètement le matin puis qui met ses chaussettes, il prie le fajr. Arrivé à 10h du matin, il annule ses ablutions. Donc, ces savants-là disent à partir de ce moment-là on compte jusqu'à 10h du matin le jour d'après s'il est résident. Là. Ça c'est l'avis de l'imam Shafi'i, de l'imam Thawri, d'Abi Hanifa et des Hanabila, des savants du madhab de l'imam Ahmed. Et il y a un quatrième avis, c'est on commence à compter à partir du premier essuyage qu'on fait après avoir annulé les ablutions. Dans notre exemple, la personne elle a fait ses ablutions complètement le matin, elle a fait le fajr, puis à 10h elle a annulé ses ablutions. Puis, le temps passe jusqu'à ce que le dhuhr il arrive. À ce moment-là, elle est obligée de refaire ses ablutions. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait l'essuyage. Il fait ses ablutions et il fait l'essuyage. Donc, il commence à compter à partir de ce moment-là. Juste avant le dhuhr, le jour d'après. Et ça, c'est l'avis qui est authentique. Barakallahu fikoum. On commence à compter à partir du premier essuyage, après avoir perdu les ablutions. Pour quelle raison? Pour la simple et bonne raison que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a délimité le temps de l'essuyage et pas le temps de la purification. Le jour, un jour et une nuit pour le résident, ou trois jours et trois nuits pour le voyageur, c'est une période où il est permis d'essuyer. Donc, ça n'a aucun rapport avec la pureté rituelle. Là, mais quoi? Pour preuve aussi, si par exemple au bout d'un jour et une nuit, le temps est passé, je ne peux plus essuyer, mais si je suis encore avec mes ablutions, est-ce que mes ablutions sont invalides? Non, je continue. Par contre, je n'ai plus le droit au-delà de la limite d'essuyer, mais par contre j'ai toujours mes ablutions. On voit bien que c'est deux choses différentes. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis l'essuyage pendant cette période, un jour et une nuit ou trois jours et trois nuits. Donc on parle bien d'un essuyage, barakallahu fikoum. Donc si on parle d'un essuyage, il faut bien compter le début à partir de l'essuyage, et pas à partir de l'annulation des ablutions. Ça c'est l'avis de l'imam Ahmed, de l'imam Al-Awza'i, de l'imam Al-Nawawi, de l'imam Ibn Mundhir, de l'Athaymin, de Cheikh Najm, de Cheikh Al-Qiti, de Cheikh Al-Bani, d'autres, beaucoup de grands savants. Tous voient cet avis-là. Et Cheikh Al-Bani aussi, un très bon. J'ai évoqué aussi un principe, Mas'ala qui est directement en rapport avec celui-ci. Une personne qui voyage et qui devient résident. Ou alors le contraire. Donc, on va commencer par le plus simple. Une personne qui est résidente. Le matin, je suis encore à Villiers-le-Bel ou à Sarcelles. En milieu de journée, je voyage. Vous avez compris pour l'instant? Taïeb. Le matin, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait les ablutions complètement. J'ai mis mes chaussettes. À 10h, j'ai annulé mes ablutions. Au dhuhr, j'ai voulu refaire mes ablutions pour la prière, j'ai fait l'essuyage. Je suis toujours résident. Normalement, j'ai le droit, si je reste résident, de faire l'essuyage à partir du dhuhr jusqu'au dhuhr du jour d'après. D'accord? Or, il se trouve qu'à l'asr, je voyage. Je voyage. Et je sors de la ville et je deviens voyageur. À partir de ce moment-là, est-ce que, en tant que voyageur, pour le Maghreb par exemple, est-ce que je vais rester sur une période d'un jour et d'une nuit pour l'essuyage ou alors je vais passer à trois jours et trois nuits? Pourquoi? Voilà. Je vais passer à trois jours et trois nuits car je deviens voyageur. Donc, je vais, à partir du premier essuyage que j'ai fait, à Salat al-Dhuhr, je vais avoir 72 heures devant moi pour essuyer. Non, où j'aurai le droit d'essuyer pendant 72 heures, c'est-à-dire 3 jours et 3 nuits. Imaginons qu'on soit le lundi. Donc, je vais pouvoir essuyer le mardi, le mercredi, c'est-à-dire il a fait 1, 2, jusqu'au jeudi au dhuhr. Pourquoi? Parce que je suis devenu voyageur. J'aurais été résident, je n'aurais pu faire ça que sur un jour et une nuit. D'ailleurs, maintenant le contraire. Je suis voyageur. J'ai fait des essuyages sur les chaussettes. Par exemple, au Fajr, j'étais voyageur, j'ai fait des essuyages, j'ai lavé mes pieds, j'ai mis mes chaussettes. À 10h, j'ai annulé mes ablutions. À l'heure du dhuhr, voulant refaire mes ablutions, j'ai essuyé. En tant que voyageur, normalement, j'ai 72 heures. Je peux faire ça pendant 72 heures, à partir de ce moment-là. Or, après le dhuhr, je rentre chez moi et je deviens résident. Qu'est-ce qui se passe, Abdullah? Combien de temps j'ai le droit d'essuyer sur mes chaussettes? 24 heures. Donc ici, je débute ma période à partir du moment où j'ai fait le premier essuyage après annuler les ablutions, c'est-à-dire au dhuhr ici. Donc j'aurai le droit de faire jusqu'au dhuhr du jour d'après. Très bien. Imaginons maintenant que le premier essuyage que j'ai fait en tant que voyageur, il date de 2 jours. Et le 3e jour, je voyage. Et j'arrive en tant que résident. À ce moment-là, est-ce que j'ai le droit d'essuyer sur mes chaussettes? Un jour et une nuit. Pourquoi? Parce que c'est déjà passé. Il y a déjà 2 jours qui sont passés. J'ai plus le droit, les frères. Barakallahu fikoum. C'est pour ceci que la règle dit, lorsque celui qui est voyageur, qui devient résident, il fait l'essuyage du résident à la condition qu'il reste le temps imparti pour l'essuyage du résident, c'est-à-dire un jour et une nuit. Si j'ai déjà fait 2 jours d'essuyage, eh ben, quand je rentre chez moi, j'ai plus le droit de faire un essuyage résident. Non, parce que j'ai déjà dépassé. Donc, qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Je suis obligé de laver mes pieds. Par contre, si en tant que voyageur, j'ai fait qu'une demi-journée de voyageur pour l'essuyage, et j'arrive en tant que résident, alors il m'est permis de compléter cette journée et cette nuit dans l'essuyage. 6e problématique. Quelles sont les conditions pour que l'essuyage soit valide? Premièrement, il faut que les chaussons ou les chaussettes soient pures. Pures sous les deux aspects. C'est-à-dire pure intrinsèquement, fait en peau qui est pure. Et pure, il ne faut pas qu'il y ait de souillure dessus aussi. Par exemple, est-il permis de faire l'essuyage sur des chaussons faits en peau de porc? Non, car la peau de porc est impure intrinsèquement. Est-ce que j'ai le droit de faire l'essuyage sur des chaussettes faites à partir de peau de chien? Non, la peau de chien est impure aussi. Donc, intrinsèquement, elles sont impures. Donc, l'essuyage n'est pas permis dessus. De même, imaginons maintenant que intrinsèquement, elles sont pures, c'est-à-dire elles sont faites en peau de bête, une peau qui est tannée, par exemple, elle devient pure. Or, il y a des souillures dessus. Il y a de l'urine ou il y a des excréments. Est-ce qu'il m'est permis de faire l'essuyage dessus? Il est interdit de faire l'essuyage dessus. Donc, il faut que ce soit pur, intrinsèquement, et purifié de toute souillure. Deuxièmement, lorsque j'essuie sur mes chaussons, il faut que je les ai enfilés au préalable avec l'état de pureté rituelle. C'est-à-dire avec les ablutions complètement. Il faut que j'ai fait au moins mes ablutions complètement en lavant mes pieds complètement. Exemple. Une personne qui fait ses ablutions et au moment d'arriver aux pieds, il n'a pas lavé ses pieds, il met ses chaussettes et il fait l'essuyage dessus. Est-ce que ceci s'est permis? Non. Car il ne les a pas enfilés en état de pureté rituelle. Alors que le prophète a dit à Al-Mughiratu ibn Shu'bah, laisse-les, c'est-à-dire ne les enlève pas, laisse-les, car je les ai enfilés en état de pureté rituelle. Da'huma fa'inni adkhaltuhuma tahiratayn. Donc, une des conditions pour que le masah et l'essuyage soient valides, il faut que la personne les ait enfilés alors qu'il avait, ou alors qu'il était en état de pureté rituelle, avec les ablutions. Barakallahu fikoum. Sinon, il n'a pas le droit d'essuyer sur ses chaussures ou ses chaussettes. Troisièmement, l'essuyage vient lever l'état d'impureté rituelle mineure. Il ne vient pas lever l'état d'impureté rituelle majeure. C'est dans le janaba. Quelqu'un qui a eu un rapport avec son épouse, ou alors qui a la sortie du sperme. Tout ceci sont des choses qui nécessitent le rousse. Dans ce cas-là, il est interdit d'essuyer sur des chaussures ou des chaussettes. Il va falloir qu'il fasse al rousse, c'est-à-dire le lavage rituel ou le bain rituel. Donc, troisième condition, l'essuyage ne vient lever que l'état d'impureté rituelle mineure. Et quatrième condition, ou plutôt l'avant-dernière condition, on vient de la voir, c'est le temps qui nous est imparti pour essuyer. Dès que ce temps-là est fini, il ne m'est plus permis d'essuyer sur les chaussures ou sur les chaussettes. Et enfin, la dernière condition, il faut que les chaussures ou les chaussettes sur lesquelles il va essuyer soient licites. Qu'est-ce que signifie licite ? C'est-à-dire, il faut qu'elles soient licites intrinsèquement. Si ce sont des chaussettes faites en soie, le port de la soie pour l'homme est interdit. Donc, il est interdit de faire l'essuyage dessus. De même, il ne faut pas qu'il y ait des choses interdites dessus comme des dessins d'êtres vivants par exemple. Si dessus il y a une tête de lion ou une tête d'un être humain, alors il est interdit de faire l'essuyage dessus. Non. Et les ablutions ne sont pas valides. Ici, lorsqu'on fait l'essuyage, si on respecte toutes ces conditions, lorsque j'enfile mes chaussettes après avoir fait les ablutions complètement, est-ce que je dois d'abord laver mes deux pieds complètement et ensuite enfiler les chaussettes? Ou alors il m'est permis de laver d'abord le pied droit, puis de mettre la chaussette droite, et de laver le pied gauche, et de mettre la chaussette gauche? Je ne vous cache pas que les savants ont divergé là-dessus. En deux avis. Ceux qui disent il faut laver ses deux pieds d'abord et ensuite mettre les deux chaussettes après. Et ceux qui disent il est permis de le faire séparément. Alors, le premier avis, c'est l'avis de l'imam Malik, l'avis que tu as cité, où il faut d'abord laver les deux pieds complètement, c'est-à-dire faire ses ablutions complètement avec les deux pieds et ensuite on met ses deux chaussettes. Ça, c'est l'avis de l'imam Malik, de l'imam Ahmed, de l'imam Shafi'i, de l'imam Najmi, de l'Albani, de Al-Thaymin, et c'est l'avis le plus sûr. C'est l'avis le plus sûr. Pourquoi? Car le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, toujours dans ce même hadith de Al-Mughira, دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين على صيغة مثنى. Prophète a dit laisse-les. Lorsque Mughira a voulu enlever les chaussures du prophète pour qu'il lave ses pieds, le prophète a dit laisse-les à mes pieds, car je les ai enfilés طاهرتين. Il a employé ce qu'on appelle un duel pour montrer qu'il parle des deux pieds ici qui ont été enfilés alors qu'il était en état de pureté rituelle. Donc il parle bien des deux pieds du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sur la base de ceci, ces savants disent qu'il faut mettre les deux pieds. Cheikh Ibn Baz ou Cheikh Al-Faymin disent que c'est ce qu'il y a de plus sûr pour sortir de la divergence. Le deuxième avis, c'est ce que dit Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah. Il dit que tu mettes le pied droit d'abord, tu laves ton pied droit et tu mettes la chaussette juste après, et que tu mettes le pied gauche, tu mettes la chaussette juste après, au final, tu les as rentrés et chaussés en état de pureté. Non. Donc il dit, il n'y a pas de mal sur ça. Mais pour sortir et pour être sûr de ne pas tomber dans l'erreur, Inch'Allah, vaut mieux rester dans la sécurité, Inch'Allah. Donc on lave ses deux pieds complètement, et ensuite on met ses chaussettes, Inch'Allah, par précaution. Le dernier point qu'il nous reste à voir, Inch'Allah, pour clôturer, qu'est-ce qui vient annuler Nawaqidul Masri? Qu'est-ce qui vient annuler l'essuyage? Les savants sont unanimes pour dire que ce qui annule l'essuyage, c'est ce qui annule les ablutions. Ce sera l'objet de nos prochains cours, Inch'Allah, les annulations des ablutions. Ce qui vient annuler les ablutions, tout ce qui sort des deux orifices, l'évanouissement, enfin, toutes ces choses-là que vous connaissez, qu'on verra en détail, Inch'Allah. Donc, quand tu perds tes ablutions, tu perds aussi ce masque, donc tu es obligé de le refaire. C'est ça que ça veut dire. Donc ils sont tous unanimes dessus, alhamdulillah. On soulève ici quelque chose de très important. Quelqu'un qui a fait ses ablutions, qui a mis ses chaussettes, et qui a enlevé ses chaussettes, est-ce que il a toujours ses ablutions? Oui ou non? Tout dépend dans quel état il les a enlevés. S'il les a enlevés alors qu'il était en état de pureté rituelle, alors, pas de problème. Il reste en état de pureté rituelle. Il n'est pas obligé de refaire les ablutions. Par contre, il n'a pas le droit de les remettre et de faire l'essuyage. Il va falloir qu'il refasse l'eau d'eau complet lorsqu'il viendra à annuler ses ablutions. Il faudra qu'il relave ses pieds. Donc, enlever les chaussettes, ça n'annule pas la pureté rituelle, mais ça annule la validité de l'essuyage. Un exemple. Une personne, le matin, il a fait les ablutions complètes, puis il a mis ses chaussettes. À 10 heures, il annule ses ablutions. À ce moment-là, il enlève ses chaussettes. Qu'est-ce qu'on va dire de cette personne? Cette personne-là, on va dire de lui, premièrement, il a annulé la validité, la période de un jour et une nuit pour le masque. Deuxièmement, ici, comme il les a enlevés en l'état d'impureté rituelle, il sera obligé de refaire les ablutions complètement. Maintenant, le même cas de figure, sauf que à 10 heures, il n'a pas annulé ses ablutions, mais il a enlevé ses chaussettes parce qu'il faisait trop chaud. Mais il a toujours ses ablutions. Qu'est-ce qu'on va dire à cette personne? Il a annulé ses ablutions? Non. Il pourra prier comme ça avec, pieds nus, sans problème. Par contre, il n'aura pas le droit de remettre des chaussettes et de refaire les ablutions en laissant sur ses chaussettes. Il va falloir qu'il relave, qu'il refasse ses ablutions complètement au moment où il devra refaire ses ablutions. Donc, enlever ses chaussettes, il faut considérer le cas dans quel état tu les enlèves. Est-ce que tu es en état de pureté? Oui ou non? Si tu es en état de pureté, alhamdoulilah, le fait de les enlever ne vient pas interrompre tes ablutions. Tu peux prier comme ça. Et je vais vous ramener le dalil dessus, alhamdoulilah. Mais les enlever en état d'impureté, c'est-à-dire que tu as annulé tes ablutions, ensuite t'as enlevé tes chaussettes, alors dans ce cas-là, là tu vas être obligé de refaire des ablutions complètes. Les savants sur ça ont divergé. Mais le qawl sahih que je vous ai cité, et d'ailleurs, Abu Zayban a dit que Ali, radiallahu tabaraka wa ta'ala anhu, avait été en train d'uriner debout, puis il a demandé de l'eau, il a fait ses ablutions, il a essuyé sur ses ni'al, c'est-à-dire ses sandales, puis il est rentré dans la mosquée, écoutez bien, il est rentré dans la mosquée, il a enlevé ses ni'al et il est parti prier sans refaire ses ablutions. Ce qui prouve bien que le fait d'enlever les chaussettes ou les ni'al alors que tu es en état de pureté rituelle et que tu as fait le masha dessus, ceci n'annule pas les ablutions. Puisque Ali a prié comme ça. Radiallahu tabaraka wa ta'ala. Par contre, si Ali, maintenant, il aurait remis ses chaussures et il annule ses ablutions juste après, est-ce qu'il lui est permis de faire ses ablutions en essuyant sur ses chaussures? Non. Pourquoi? Parce qu'il les a enlevées. Donc, il a interrompu la période de validité. Dans ce cas-là, il est obligé de refaire des ablutions complètes pour repartir sur une période complète. Donc ça, c'est l'avis de Cheikh Oussama ibn Taymiyyah, Hassan al-Basri, Ibn Hazm al-Nawawi, Ibn al-Mundhir, Yannouk Sapok, Cheikh Al-Athaymin, Cheikh Al-Albani, et aussi parmi At-Tabi'in, Ata ibn Abi Rabah, le grand élève de Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhum. Parmi les autres avis, je vous les cite comme ça vite fait, le simple fait d'enlever les chaussettes annule les ablutions. Ça, c'est l'avis d'Imam Ahmed, Imam al-Nakhahi, Zuhri, Wal-Awza'i et Cheikh Ibn Baz. Le simple fait de les enlever annule les ablutions. D'autres, ils disent, lorsque tu enlèves tes chaussettes, tu as jusqu'à relaver tes pieds seulement. Ça, c'est l'avis d'Imam Abi Hanifa et le deuxième avis d'Imam al-Shafi'i ou al-Thawri. Il y a ceux qui disent, tu dois laver tes pieds, mais dans l'immédiat seulement. Tu n'es pas obligé de refaire toutes tes ablutions. Tu relaves tes pieds dans l'immédiat. Ça, c'est l'avis de l'imam Malik ou Ibn Sa'd, Laysa ibn Sa'd, rahmahumullah wa tabaraka wa ta'ala. Donc, au regard du hadith que je vous ai cité de Ali, le hasard de Ali qui est authentique, le qawl sahih fi hadhihi mas'ala, c'est que la personne qui enlève ses chaussettes, en ayant au préalable fait ses ablutions, en ayant essuyé sur ses chaussettes, alors celui-là n'annule pas ses ablutions, il peut prier pieds nus, sans problème. Par contre, il vient d'annuler quoi? Là, la validité de l'essuyage, c'est-à-dire il est obligé de, pour repartir sur un jour et une nuit, de relaver, de refaire les ablutions complètement à l'avance écrit. Une autre problématique, est-ce que j'ai répondu à ta question? Une autre problématique, maintenant celui qui a une chaussette et qui met des chaussures dessus, ou alors qui met deux paires de chaussettes. Alors là aussi, il va falloir détailler. Je ne vais pas être trop fastidieux, Inch'Allah, mais je vais vous donner, Inch'Allah, l'essentiel. Une personne qui, de bon matin, fait ses ablutions complètement. Il met une première paire de chaussettes. Non ? Ça y est, jusque-là, pas de problème. Et il met une paire de chaussures. À 10 heures, il annule ses ablutions. Arrivé à l'heure du Dhuhr, pour la prière du Dhuhr, il doit refaire ses ablutions, n'est-ce pas ? Donc, ici, il lui est permis deux choses. Soit il enlève ses chaussures et il fait l'essuyage sur ses chaussettes, parce qu'il n'a pas de problème. Ou alors il lui est permis de faire l'essuyage sur ses chaussures. Pour quelle raison? Car il les a enfilées alors qu'il était en état de pureté rituelle. Donc il rentre dans la condition. À 10 heures, avant d'annuler ses ablutions, il a enlevé ses chaussures. Et là, il annule ses ablutions. Le matin, il a mis ses chaussettes et ses chaussures en état de pureté rituelle, complète. Puis, ensuite, il a enlevé ses chaussures à 10 heures du matin. Juste après, il annule ses ablutions. Ensuite, à l'heure du Dhuhr, est-ce qu'il lui est permis de faire l'essuyage sur ses chaussures? Pourquoi? Parce qu'il les a retirées et il les a remis alors qu'il n'avait pas les ablutions complètes. Donc, il ne lui est pas permis de faire l'essuyage sur les chaussures. Est-ce qu'il lui est permis de faire l'essuyage sur les chaussettes? Oui, parce qu'il les a pas enlevées, il les a gardées et il les a mis en état de pureté rituelle complète le matin. Une personne qui a mis ses chaussettes avec ses ablutions complètes, puis il a mis ses chaussures, il avait ses ablutions. D'accord? Quand arrive l'heure du Dhuhr, enfin, il lui permet de faire l'essuyage sur ses chaussures, comme il lui est permis de faire l'essuyage sur ses chaussettes. La validité, elle va jusqu'à quand? Le lendemain. Le lendemain, à la même heure, à partir du premier essuyage, n'est-ce pas, Taïb? Sur les chaussettes ou sur les chaussures? Sur les deux, s'il n'a rien enlevé. D'accord? Si pendant une journée et une nuit, il n'a pas enlevé ses chaussures et ses chaussettes, alors il lui est permis, pendant une journée, de faire l'essuyage sur les deux, sans problème. Si il a enlevé ses chaussures, juste avant le Dhuhr, par exemple, il a enlevé ses chaussures, et quand il a enlevé ses chaussures, il n'avait pas les ablutions. Maintenant, arrive l'heure du Dhuhr, il lui est permis de faire l'essuyage sur ses chaussures? Non, il ne lui est pas permis. Juste après qu'il ait fait le Dhuhr, il a mis ses chaussures. D'accord? Il a mis ses chaussures, par exemple, une heure après le Dhuhr. La durée, à partir de quand on la compte? Une heure après le Dhuhr. Toujours pareil. Est-ce qu'on compte à partir de la chaussette? Ou alors on compte à partir de la chaussure? Non, à partir de la chaussure. À partir de la chaussette. Pourquoi, les frères? Car on compte toujours par rapport à la première, au premier essuyage après l'annulation des ablutions. Donc, juste avant le Dhuhr pour lui. Là, on parle de la validité. On parle pas de l'essuyage. On parle de la validité. Jusqu'à quand c'est valide? Je reprends le mas'ala. Une personne, il a mis de bon matin ses chaussettes et ses chaussures après avoir fait les ablutions complètement. À 10 heures, il enlève ses chaussures. Il garde ses chaussettes. Juste après, il annule ses ablutions. Arrivé à l'heure du Dhuhr, comme on l'a dit, il n'a pas le droit d'essuyer sur ses chaussures. Il a le droit d'essuyer sur ses chaussettes, mais pas ses chaussures. Donc, il fait l'essuyage sur ses chaussettes, il prie. Donc là, il est dans l'état de pureté rituelle. Et juste après le Dhuhr, une heure après le Dhuhr, il est toujours en état de pureté rituelle, il met ses chaussures. Est-ce qu'il a le droit d'essuyer sur ses chaussures? Il a le droit d'essuyer. Mais jusqu'à quand? Jusqu'au Dhuhr du jour d'après. C'est-à-dire à partir du premier essuyage. C'est pour ça qu'on dit Al-Hukmu lil-Fawqani wa al-Muddatu lil-Tahtani. Al-Hukmu, l'essuyage, il se fera sur le dessus, puisque j'ai enfilé mes chaussures alors en état de pureté rituelle. Même si j'ai fait le masque, je suis en état de pureté rituelle. J'ai le droit d'essuyer dessus. Par contre, la durée d'essuyage, elle est à partir de quand? À partir de ce moment-là ou à partir du premier? À partir du premier essuyage, par la Tayyib. Une dernière problématique, Inch'Allah. Une personne qui a fait le tayammum, des ablutions sèches. Et il avait sur lui des chaussettes. Oui. Lorsqu'il retrouve de l'eau, vous savez que le tayammum, il est légiféré lorsqu'il n'y a pas d'eau, ou alors lorsqu'il y a de l'eau, mais on ne peut pas l'utiliser. Une des deux. Une personne, elle a fait le tayammum, soit parce qu'il n'y avait pas d'eau, soit parce qu'elle ne pouvait pas l'utiliser à cause d'une maladie, ou X raisons. Et il avait des chaussettes. Lorsqu'il retrouve de l'eau, et qu'il a besoin de faire ses ablutions, le tayammum ne lui est plus permis. Il est obligé d'avoir recours aux ablutions normales. Est-ce qu'il lui est permis d'essuyer sur ses chaussettes à ce moment-là? Vous avez compris le mas'ala? Il a toujours des ablutions. Il a fait le tayammum, les ablutions sèches. Et il a, quand il les a fait, il avait des chaussettes. Le tayammum, je vous rappelle, c'est quoi? C'est darbatun. On frappe une fois à la terre, les mains, comme ça, et le visage. C'est ça le tayammum. Donc il n'y a pas l'essuyage des pieds, le tayammum. Mais au moins, il a levé cet état d'impureté rituelle. Mais il portait des chaussettes pour l'occasion. Lorsqu'il retrouve de l'eau, il trouve de l'eau, et là, il a besoin de refaire ses ablutions. Est-ce qu'il lui est permis d'essuyer sur ses chaussettes, ou alors il est obligé de laver ses pieds ici? Écoutez bien ce hadith. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, c'est un hadith authentique rapporté par l'imam al-Tirmidhi, authentifié par Cheikh al-Albani, d'après la leçon d'Abi Dharr al-Ghifari. Le prophète a dit, inna sa'ida tayyiba wudu'u al-muslim. La terre pure constitue une ablution pour le musulman. Il parle ici des ablutions sèches, n'est-ce pas? Wa illam yajid al-ma ashra sinin, quand bien même il ne trouverait pas d'eau pendant 10 ans. La terre lui suffit, la terre pure. Wa idha wajada al-ma falyamassahu basharatahu. Et dès qu'il trouve de l'eau, par contre, il doit faire en sorte que sa peau touche l'eau. Fa inna dhalika khayrun. Ici, lorsque le prophète a dit que sa peau touche l'eau, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va devoir refaire les ablutions complètement. Car dans le sillage, il n'y a pas ceci. Donc, je répète, une personne qui avait fait tayammum pour X raisons, des raisons valables, puis il avait des chaussettes à ce moment-là. Ensuite, il perd ses ablutions et il trouve de l'eau. Donc, il est obligé d'avoir recours aux ablutions normales. Lui est-il permis de faire l'essuyage sur ses chaussettes? Non. Il est obligé de faire les ablutions complètement, en lavant ses pieds. Donc, Inch'Allah, pour terminer ce cours, on va résumer. Afin que ce soit beaucoup plus clair pour vous, Inch'Allah. Donc, premièrement, on a dit, quel est le statut juridique de l'essuyage sur Al-Khufayni, les chaussons ou les chaussettes? On a vu que c'était Mashroor, c'est-à-dire légiféré. Et il y a sur ceci consensus, Ijmar des savants. Alhamdulillah. Les preuves sur ça sont nombreuses. Deuxième chose qu'on a vu, où est-ce que se fait l'essuyage? Se fait-il sur le chausson, en dessous, ou les deux en même temps? Ce qui est légiféré et ce qui est authentique, c'est qu'on s'en tient à essuyer le dessus seulement. C'est la vue le plus authentique. Troisième chose qu'on a citée, sur quoi on doit essuyer? Est-ce qu'on essuie seulement sur les chaussons, Al-Khufayn, qui était en vigueur à l'époque du prophète, sallam, ou alors rentre dans cette permission les chaussettes et tout ce qui vient couvrir les pieds, les chaussures, les bottes, toutes ces choses-là. Tout ce qui couvre le pied. Et ceci, bien sûr, est une facilité d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Tout ceci a le même statut juridique que les chaussons Al-Khufayni en cuir. Imaginons que la chaussette soit transparente. Est-ce que c'est permis? Il y a une divergence. Mais c'est permis, Inch'Allah. Al-Qawl al-Sahih, c'est permis. Même si la chaussette est transparente. Non, c'est permis. Tant que ça s'appelle chaussette. Oui, même ça. Oui, des sockets, c'est une bonne question. Ce qu'on appelle des sockets. Voilà. Même ça, ça a le même statut que les chaussettes. D'accord? C'est pas une condition que ça couvre la cheville. Non. Même si c'est en dessous de la cheville. Quand le sahar, c'est que c'est permis. En soi? Non. Ça, on l'a vu, al-harir, muharramun al-rijal. C'est interdit aux hommes, al-harir. Par contre, si c'est du coton, du lin, qui encore? Du coton, du lin, du polyester, toutes ces choses-là qu'on voit à notre époque, c'est permis, Inch'Allah. L'obsol harir muharram. Tu m'as fait rappeler quelque chose de très important aussi, je vais y revenir. Non. Donc, rentrent aussi les sockets. Même à l'époque des compagnons, comme je vous l'ai dit, des fois ils mettaient des bandages autour des pieds. Donc ça ne couvrait pas tout le pied, ça couvrait juste en dessous seulement. C'était pour éviter qu'ils se blessent les pieds à cause des marches, des longues marches. Donc ils avaient le droit, le prophète leur a permis de faire aussi l'essuyage dessus. Okay. Ensuite on a vu si la chaussette ou la chaussure est trouée ou déchirée, est-il permis quand même de faire l'essuyage dessus? Oui. Comme l'a dit Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, tant que ça s'appelle chaussette et qu'on peut marcher avec, il n'y a pas de problème. Par contre, si la chaussette, elle tient par un fil, l'âme, elle sort carrément du pied, elle tient par un fil, et au final, c'est comme si tu marchais pieds nus, ça, c'est interdit. Ça s'appelle plus une chaussette. Ensuite, on a vu le temps. Le temps où il est permis d'essuyer. Nous avons dit pour le résident, un jour et une nuit. 24 heures. Pour le voyageur, 3 jours et 3 nuits, 72 heures. À partir de quand commence le comptage? Premier essuyage après avoir annulé les ablutions. D'accord? Rappelez-vous ça, c'est très important. Premier essuyage après avoir annulé les ablutions. C'est-à-dire, je les ai mis le matin. Pour l'instant, je ne compte pas. Là, il y a ça. Ensuite, j'annule mes ablutions. Là, il y a ça. Ensuite, dès que je vais commencer à faire le premier essuyage, à partir de ce moment-là, je compte. Donc, j'ai 24 heures si je suis résident. D'accord? Un jour et une nuit. Si je suis résident et je deviens voyageur, comment je vais faire? J'ai commencé à essuyer, j'étais résident, puis j'ai voyagé. Je vais essuyer pendant, voilà, ce qui vient compléter 3 jours et 3 nuits. Parce que je suis devenu voyageur. Le contraire, il est tout aussi vrai. Si j'étais voyageur, j'avais le droit à 3 jours et 3 nuits, mais après je suis devenu résident entre temps. Donc les 3 jours et 3 nuits, ils s'enlèvent. Je deviens résident et j'ai le droit à une journée et une nuit. Donc, si j'avais, en tant que voyageur, j'avais essuyé moins d'un jour et d'une nuit, je viens compléter en tant que résident le reste. Par contre, si en tant que voyageur, j'avais déjà fait plus d'un jour et une nuit, alors dès que je deviens résident, alors là, j'ai plus le droit. D'accord? J'aurai plus le droit d'essuyer, je vais devoir laver mes pieds. Quelles sont les conditions pour que l'essuyage soit valide? 1. Il faut que les chaussons ou les chaussettes soient pures. Soient pures sur les deux aspects. Pures intrinsèquement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'ils soient avec une matière impure, comme la peau de porc ou la peau de chien, ou des choses comme ça. Et il ne faut pas qu'il y ait de souillure dessus. Pas d'urine, pas de sel, pas de sang impur. D'accord? Pas de salive de chien. Toutes ces choses impures. Ça, c'est la première condition. Deuxième condition, il faut que la personne, pour qu'elle puisse essuyer sur ses chaussures ou sur ses chaussons, il faut qu'elle les ait enfilées en état de pureté rituelle complète. C'est-à-dire en ayant lavé ses pieds. Non, tu n'es pas obligé de les mettre direct. Non, tu n'es pas obligé. Je fais mes ablutions le matin. Je les mets vers le coin, 10h. Mais c'est bon, Inch'Allah. C'est tout aussi bon. Tant que tu les as rentrés en état de pureté rituelle complète. D'accord? C'est ça qui est important. C'est ça le critère. Et après, on commencera à compter à partir du premier essuyage après avoir perdu les ablutions, comme on l'a vu. Troisième chose. L'essuyage sur les chaussettes vient lever l'état d'impureté rituelle mineure et non majeure. Quelqu'un qui doit refaire les grandes ablutions, il ne lui est pas permis d'essuyer sur ses chaussettes. D'accord? D'ailleurs, dans les grandes ablutions, entre parenthèses, on le verra en détail, il n'y a pas d'essuyage. Dans les grandes ablutions, il n'y a pas d'essuyage. Ni de la tête, ni des membres, ni des pieds, de rien. Quatrièmement, le temps. On l'a vu. Un jour et une nuit, résident, 3 jours et 3 nuits, voyageur. Cinquièmement, que ça soit licite. Donc, licite, hokman wa shar'an, c'est-à-dire, pour que ça soit licite, le port, il faut qu'il soit licite. Le port de ce vêtement. Donc, autrement dit, la soie est interdite. il est interdit de prendre une facilité d'Allah par une chose interdite. Aussi, s'il y a des dessins dessus, comme vous savez, les dessins d'êtres vivants sont interdits. Donc l'essuyage sur ce genre de chaussettes où il y a des dessins sont interdits aussi. Qu'est-ce qu'on avait dit aussi? Lorsqu'on enfile ces chaussettes, est-ce qu'on peut les enfiler après avoir lavé le pied droit et on enfile la chaussette, et le pied gauche la chaussette, ou alors il faut avoir lavé les deux pieds? Les deux pieds, c'est ce qui est préférable et plus sûr. Il nous reste à voir les annulatifs du masr. Donc, je suis obligé de refaire le masr lorsque je perds mes ablutions. Ce sont les mêmes annulatifs que les ablutions, en plus de la durée. J'ai soulevé ici une problématique, une personne qui enlève ses chaussettes après les avoir mises. Est-ce qu'il perd ses ablutions? On a évoqué deux cas de figure. S'il les enlève alors qu'il avait ses ablutions, qu'il avait lavé ses pieds ou qu'il avait essuyé sur ses chaussettes, peu importe, dès lors qu'il les enlève, il garde ses ablutions. Hein? Par contre, il n'a pas le droit de les remettre et de réessuyer dessus. Il va falloir qu'il refasse ses ablutions complètement en lavant ses pieds, hein, pour repartir sur 24 heures. Allah tabaraka wa ta'ala أن يوفقنا لما يحبه ويرضى ونسأله تبارك وتعالى الإخلاص في القول والعمل اللهم أهدنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأهدنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم